Ay di chéri, yo di ou son jeunesse. Mwen aksepte ke m son jeunesse. Se yo zwazo kapè vole, toujou ma jwenn yon branj pou m pose. Ay di chéri, yo di ou son jeunesse. Mwen aksepte ke m son jeunesse. Se yo zwazo kapè vole, toujou ma jwenn yon branj pou m pose. Haïti chérie, au Dieu sans jeunesse, mais accepter qu'elle sans jeunesse, que ces oiseaux capés volés, nos hommages viennent aux branches pour poser. Haïti chérie, au Dieu sans jeunesse, mais accepter qu'elle sans jeunesse, que ces oiseaux capés volés, nos hommages viennent aux branches pour poser. Haïti fait, Haïti fait là. Tu fais les fous.